regarder. Tu peux leur mettre, s'il te plaît. Je les fais inscrire sur leur pour chanter avec vous. Il y a les paroles ou pas? Quand on n'a pas besoin des paroles. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria. Elle voudrait que j'y passe là-bas dans la manina. J'en ai pas fait avant d'être une. Pour tout ce que tu m'as fait, je ne mérite pas. De jour en jour, je sens mon cœur s'effriter. Sorti Maria, elle voudrait que j'y passe la bague à la manita. J'ai loué la 458 d'Italia. Mouche comme maman, des fois j'ai plus d'Alida. Entre nous c'est pas pareil. Merci bien Razot. Merci bien Razot. Merci bien Razot. Et merci. Et le fond là-bas, au fond en haut. Oh, oh là-bas là-haut. Oh là-haut. Au milieu là, vous êtes tous. Merci à tous, merci. Merci la team, vous êtes des grands voyants, des grands voyants. Je vais remettre le truc parce que je m'entends en double. Ah ouais, au fait, là c'est le moment où je vais encore faire plaisir à ma team. Attends. C'est que des cadeaux ce soir. Tu connais gâté ma team. Attends. Ouais, je voulais savoir. Je voulais savoir. Est-ce que il y en a qui connaissent Chiquita? Chiquita, la musique. Vous connaissez? Est-ce qu'il y en a qui la connaissent par cœur? Sûr? Sûr? Sûr? Parce que là, je vais choisir un garçon et une fille. Mais attention, faut venir, faut connaître par cœur. Alors? Alors? Alors, alors, alors? Je vais prendre un garçon, une fille. Je choisis Allez, un garçon, une fille. Allez, un garçon, une fille. Sors là devant. Tu me les prends, s'il te plaît. J'espère que vous connaissez par cœur. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ça va, pas trop chaud, tranquille. Tout se passe bien. Bene. C'est bon, impeccable. Ma team, je vous aime tous. Merci à tous d'avoir attendu tout ce temps. Merci, merci. Merci, j'oublierai jamais. D'ailleurs, moi je suis là et tout, tranquille et tout, je suis là avec vous. Je me dis que c'est peut-être la dernière fois, que si, que ça. Mais j'ai une idée avant de venir. J'ai une petite idée encore. Et mon idée, vous savez quoi? La vérité des vérités. Hein. Tu as vu, il y a eu toute cette attente et tout, depuis 2 ans et tout. Moi, je vous mens pas. J'ai envie d'en refaire un de Vel. Sur ma vie. Sur ma vie, j'ai envie de refaire un. Donc, je pense que je vais en annoncer un pour l'année prochaine. Hein. À l'année prochaine, dans les... je vous envoie la date. Hein. Vous allez être là. On va se revoir. Merci la team. Merci à tous. Ils sont où eux? Ils sont où ceux qui doivent chanter? Sur la scène au milieu? Ok. Je vais les voir. Et merci Verazone. Alors, comment on va? Ça va ou quoi? Pépère? Alors vous pensez que vous me connaissez? Ça va? Allez. Ben, c'est quoi? Mettez-vous là au milieu, comme ça vous entendez bien. On peut se commencer le son? C'est pas grave, moi je vais vous suivre, même si je vous suis un peu, t'es casse. Pas de pression, on détente ce soir, c'est la maison. Bon, tu m'envoies le son?